le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. L'URSS s'effondre. S'il fallait composer une fiche signalétique de ce pays qui a profondément marqué le XXe siècle, voici ce que nous aurions. Nom, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Surnom, URSS. Taille, immense. Couleur, rouge. Adresse, à Moscou, au Kremlin, pourquoi pas. Date de naissance, 30 décembre 1922, mais en gestation depuis 1917. Date de décès, 25 décembre 1991, à 69 ans. Lieu d'inhumation? Ah, peut-être qu'une partie de l'URSS n'a pas vraiment disparu. Quel vestige de l'ère soviétique dans la Russie d'aujourd'hui? Andrei Gretchev, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Si je vous dis 1991, un souvenir, quelle année déjà 91? Un souvenir, c'est lequel qui vous a le plus marqué? Peut-être une heure et demie que j'ai passé à côté de Mikhail Gorbatchev. J'étais à l'époque son porte-parole et dans ma fonction, j'étais celui qui devait l'accompagner, le préparer, si vous voulez aussi, pour sa dernière. Intervention officielle, le discours de la démission qu'il allait donner dans une heure et demie. Et donc, nous étions tous les deux dans le bureau de premier et dernier président de l'URSS avec le drapeau soviétique derrière ce bureau. Déjà, il a apparemment voulu relire, encore une fois, je m'imagine, son discours, mais il continuait à y apporter quelques modifications de style. Il demandait parfois mon avis. On était en cette discussion, mais ensuite il a mis son texte à côté, comme s'il voulait un peu se distraire, enfin s'éloigner un peu de ce moment évidemment dramatique pour l'histoire de son pays, mais pour lui-même personnellement également. On a parlé de plusieurs choses, de l'époque de ces années de jeunesse à Stavropol, mais aussi de l'avenir, de qu'est-ce qui peut attendre l'Union soviétique, qui sera plus déjà l'Union, qui va être la Russie, avec cette incertitude qu'annonçait déjà la venue d'une toute nouvelle équipe très différente. Qui a à la fois évoqué et présenté de notre point de vue pas mal de risques politiques. Il était inquiet, mais en même temps il était serein. Il avait le sentiment comme s'il pouvait partir ayant accompli, si pas l'ensemble, mais la bonne partie de ce qui était son dessein initial. Nous étions le 25 décembre 1991 pour ce discours. Andrei Gretchev, d'ailleurs, évidemment, un 25 décembre, évidemment, nous pensons à Noël, bien sûr. Le discours, pourquoi ce 25 décembre-là? Ça aurait pu être un tout petit peu avant, peut-être un peu après. Pourquoi, là? Écoutez, j'en parle d'ailleurs dans le livre que je viens de publier ici en France. Et le jour où l'URSS a disparu, hein, aux éditions de l'Observatoire. Voilà, et je suis content d'apprendre de ce qu'il y aura aussi une édition russe qui va sortir dans un ou deux mois. Donc, le 25, la date, d'une certaine façon, c'est à moi que l'histoire soviétique doit au moins un jour de plus. Parce que l'intention initiale de Gorbatchev était de prononcer son discours de démission le 24. Au lendemain de sa dernière rencontre avec Boris Yeltsin, son successeur au Kremlin, mais pas dans le fauteuil du président soviétique. Et donc, quand j'ai appris ça, je lui ai dit, écoutez, Mikhail Sergeïevitch, je vous supplie pas le soir du 24, parce que je sais, vous n'êtes pas obligé de le savoir, vous... Un secrétaire général, ancien déjà, du Parti communiste, est élevé dans une famille orthodoxe, mais pour des millions de catholiques à travers le monde, le soir du 24, c'est le soir de Noël, c'est le réveillon, c'est la rencontre des familles, c'est les cadeaux pour les enfants, c'est le sapin, c'est le Père Noël... Et imaginez qu'en ce même moment, voilà, toutes les télévisions du monde annoncent cette nouvelle dramatique. Donc tout le monde va oublier les cadeaux et le repas. Et il a accepté de le reporter d'un jour. Vous dites dramatique, Andrei Gratchev. Alors, bonne nouvelle aussi, dramatique au sens d'intensité de ce moment, parce que c'est quelque chose qui devient une date historique. Le 25 décembre 1991, c'est la fin de l'URSS. Nous avons toujours besoin de dates en histoire comme des repères. Marie Mindras, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Internationale, professeur à Sciences Po. Pour vous, 1991, quel est le moment que vous retenez? Parce que ce 25 décembre marque la fin de l'URSS, mais nous savons bien que ces mouvements-là se construisent tout doucement. Tout à fait. Je voudrais juste rappeler que le 25 décembre au soir, j'étais ici, dans ces locaux, dans la maison de la radio, pour commenter la déclaration de Mikhail Sergeïevitch Gorbatchev. Et que donc c'était effectivement très poignant, ce jour de Noël, d'entendre Gorbatchev, qui a fait l'histoire, et qui disait, bien écoutez, je démissionne de mon poste de président, puisque l'État que je présidais n'existe plus. Donc j'ai le 25 décembre... C'est déjà très tardif dans le processus qui commence dès 1988-89. Pour moi, le jour, le vrai tournant dans cette année 91 a été le 12-13 janvier de cette année. Les événements de Vilnius et de Riga, où il y a eu une répression de l'armée contre le mouvement d'indépendance en Lituanie et en Lettonie. Il y a eu quelques dizaines de victimes, de morts, et Gorbatchev a compris que s'il n'arrêtait pas cet assaut répressif, il pourrait y avoir un massacre et Gorbatchev n'avait pas l'âme d'un tyran. Ça a été vraiment, je crois, la grande chance des 300 millions de soviétiques d'avoir ce dernier secrétaire général du Parti communiste. Donc a fait retirer les troupes on pouvait considérer le 13 janvier 91 que les trois nations baltes, les trois États baltes était indépendant, était de facto sorti de l'URSS. Oui, parce que ce 25 décembre 1991 est en fait le concentré de toute cette histoire qui commence en 1985 quand il arrive au pouvoir avec la perestroïka, la glasnost, sous cette politique d'ouverture. Et puis, on peut décliner l'ensemble de la chronologie, mais nous savons bien qu'il y a la chute du mur de Berlin. Il y a, vous venez de le rappeler, Marie Mindras, les pays baltes qui déclarent leur indépendance. Et ce 25 décembre 1991 est chargé d'émotions. Sûr de l'armement pendant la transition. Un Gorbatchev inquiet, mais C'était le 25 décembre 1991 sur la troisième chaîne de la télévision française. Andreï Gretchev, le jour où l'URSS a disparu, c'est l'ouvrage que vous publiez. Un jour, c'est vrai que nous savons bien qu'il n'est pas possible de raconter un jour sans raconter le avant. Et d'ailleurs, vous commencez en 1985. Le titre de cette première partie, c'est Le pompier pyromane. Est-ce que ce 25 décembre 1991, au moment où il prononce son discours, ou peut-être plutôt avant, au moment où il échange avec vous, il y a ce regard en arrière en disant « Mais moi, issu de ce monde soviétique, il a voulu le sauver, mais jamais il n'aurait pu imaginer en arriver là. » Oui, peut-être, mais vous voyez, comme toute histoire qu'on regarde a posteriori, il faut y introduire aussi peut-être notre vision d'aujourd'hui. Gorbatchev le fait lui aussi. Parce que, vous voyez, Gorbatchev, de ses premiers pas, au moment où il est élu à la tête du parti et de cet énorme État, évidemment qu'il n'anticipe pas qu'il va devenir le dernier président de l'État qu'il était invité de présider. Et l'explication est la suivante. Gorbatchev, d'ailleurs, si on ne la fait pas, on va pas comprendre cette énorme surprise. Effectivement, cet événement, ce paradoxe, parce que la disparition soudaine de l'Union soviétique, je rappelle, deuxième superpuissance mondiale, pas seulement l'énorme pays le plus grand selon son espace, mais après tout le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, le pays qui a lancé un Spoutnik et Gagarine dans l'espace, et voilà, d'un coup, ce pays disparaît de la carte politique mondiale. Bon, on y comprendra pas. L'explication, le résultat, si on ne détecte pas le processus qui avait anticipé, qui après tout représentait une sorte de la mort graduelle qui rampait les structures du parti, de cet État, qui représentait aussi une évolution intérieure de ce pays. Après tout, un grand, à mon avis, paradoxe peut-être de l'histoire du XXe siècle, c'est que le totalitarisme soviétique, un des plus féroces, un des plus durs que le siècle a connu, contrairement aux autres régimes totalitaires comme allemand ou japonais, par exemple, n'a pas attendu à ce que la force extérieure vienne le détruire. C'est de l'intérieur que ce système s'est implosé suite à son évolution, au développement de ses contradictions intérieures et suite à l'apparition à son intérieur, pas seulement des forces qui le contestaient, mais aussi de personnages qui le symbolisaient, dont Gorbatchev, y compris Sakharov, tout en étant le produit de l'histoire soviétique et de cette société, en est devenu, bon, ensemble avec Gorbatchev, chacun dans son registre, un des fossoyeurs. Marie Mendras. Le plus important, je crois, c'est la fin de l'Empire. Et je dirais que décembre 91 n'est pas une grande surprise. Parce que tout est vraiment joué en 1990. Et ce qui va provoquer peut-être le suspense, c'est le putsch d'août 91. Alors que nous tous, les observateurs de près, moi j'étais très souvent dans des républiques de l'URSS pendant ces années 89, 90, 91. Donc on voyait bien toutes les républiques, la Russie incluse, avait déclaré sa souveraineté, avait son président comme Yeltsin en Russie depuis 1990, son parlement, son gouvernement. Il n'y avait pas du tout de vide de pouvoir. Il y avait un double pouvoir. Le pouvoir soviétique qui représentait un État, entre guillemets, fédéral, qui était en train d'imploser. Et puis, il y avait, dans les 14 autres républiques, déjà des pouvoirs constitués sur des bases relativement démocratiques, avec donc des élections qui ont été à peu près correctes pendant l'année 1990. Enfin, en tout cas, il y avait ce nouvel élément du suffrage universel. Et rappelons que Mikhaïl Gorbatchev n'a jamais été élu au suffrage universel, contrairement à Boris Yeltsin, qui a gagné la présidence, cette fois-ci dans les urnes, au printemps 1991. Donc, le processus long est un processus de fin d'empire et de décolonisation. Vous en avez parlé aux précédentes émissions cette semaine. Je crois que ce qui s'est passé pour Mikhaïl Gorbatchev et son équipe, c'est qu'il était difficile d'avoir une vision réaliste, critique de ce qui se passait dans chacune des républiques, chacune des régions. Et d'ailleurs, Gorbatchev a décidé d'organiser un référendum au début du printemps 91, alors que toutes les républiques ont déclaré leur souveraineté, en demandant aux électeurs soviétiques, souhaitez-vous rester dans une nouvelle union fédérale qui soit... c'était une phrase assez longue. Et il a été piégé lui-même par ce référendum, puisque le référendum a donné un oui, avec une forte abstention, hein, mais un oui à une nouvelle organisation qui maintienne les républiques ensemble. Mais en réalité, c'était déjà anachronique, puisque la légitimité des organisations politiques, des parlements, des pouvoirs dans les républiques avait déjà largement supplanté la très faible légitimité qu'avaient le Parti communiste et les autorités soviétiques. Andrei Gretchev, c'est vrai que cette notion de processus est pertinente pour comprendre la fin de l'URSS. Vous avez raison. Déjà juste un petit commentaire. Gorbatchev n'était pas élu au suffrage universel, il a été élu par le Parlement. Tout à fait. Qui lui, à son tour, a sorti pratiquement des premières élections libres organisées par Gorbatchev au printemps 89. Mais là, vous avez raison d'évoquer une des raisons de ce qui s'est passé avec l'URSS, c'est l'Empire. Parce qu'une des caractéristiques de cet État, évidemment, était le fait qu'il était, de fait, l'héritier de l'Empire russe, de l'Empire tsariste. Mais, curieusement, le fait que l'URSS a pu se maintenir en forme du dernier empire du XXe siècle, alors que, pratiquement tous les autres, s'étaient disloqués, soit après la Première Guerre mondiale, soit après la Deuxième, était encore une fois ce paradoxe de cette structure à la fois politique et étatique qu'était l'Union soviétique. Parce que les bolcheviques, suite à la sortie de la révolution de 1917, ont réussi à offrir à cette énormité, à cette famille des peuples très différentes, avec les différentes langues, cultures, et même religion, un espoir de la vie dans un nouvel État, dans une alliance volontaire, internationaliste. Mais là, dans les autres aspects de cet État, l'Union soviétique est tombée dans le piège entre ses promesses et la réalité. Ces promesses prononcées, annoncées depuis les premières déclarations de Lénine qui promettaient le respect de l'autodétermination des peuples, ce qui a soulevé d'ailleurs pas mal d'espoir à travers ce territoire, ont été vite remplacées par la réalité d'un État durement centralisé, répressif, Mais vers les années 80, ce contraste, ce conflit intérieur dans la gestion de cette contradiction est sorti sur la surface et il fallait quelqu'un comme Gorbatchev qui a choisi de renoncer à la force comme moyen de maintien de tout cet espace contradictoire en forme d'un État pour que ça se disloque. Vilnius, vous avez raison, a été, on peut le considérer doublement comme l'annonce de la prochaine éclatement de l'URSS pour une série de raisons. D'abord, c'était en effet l'expression de la volonté des élites, des classes, mais aussi de la population des pays baltes. D'ailleurs, les derniers morceaux rattachés par Staline suite au pacte Molotov-Ribbentrop. Mais pourquoi ils ont attendu 91 pour s'exprimer avec cette force? Parce qu'il y avait Gorbatchev au Kremlin. Parce que c'était quelqu'un qui a déjà manifesté, non seulement dans sa déclaration dans l'ONU, mais aussi où il a solennellement enterré la doctrine Brejnev adressée au peuple et aux pays de l'Europe de l'Est. Mais ça a été entendu aussi à l'intérieur de l'Union soviétique par les élites des différentes républiques, par les représentants à la fois des mouvements indépendantistes, séparatistes, mais aussi nationalistes. Donc Gorbatchev au Kremlin, c'était une fenêtre de possibilité dont pas mal des républiques ont décidé de profiter. Marie Mandras. Oui, je n'ai pas tout à fait la même vision un petit peu romantique d'André Gratchov sur d'abord la recomposition de l'Empire russe dans les années 20 et 30. Ça a été une histoire épouvantable, les années 20 et 30, pour les populations de la nouvelle URSS. Donc, je pense qu'il n'y avait aucun soulagement à être de nouveau pris dans ce joug russe. Et Andrei, vous l'avez vous-même souligné, ça a été surtout un régime extrêmement violent, déjà pendant la guerre civile à partir de 1918, et puis Staline, les purges, la famine en Ukraine dans les années 30. Bref, la Seconde Guerre mondiale ne peut pas racheter les autres crimes. Et je n'ai pas non plus la même lecture des années, je dirais 86, 87, 88, 89, 90, parce que j'ai été souvent invitée à l'Académie des sciences d'Estonie, à Tallinn en 87, à Vilnius en 89, à Tbilissi également en 89, en Ukraine en 91. Et donc, ce que j'ai vécu, j'avais été aussi en Arménie, ce que j'ai vécu, c'était des sociétés qui bougeaient déjà depuis un moment, qui étaient certainement aussi encouragées par des mouvements dans les pays d'Europe centrale et orientale, comme le mouvement Solidarność en Pologne, donc ce que moi j'appelle l'empire extérieur, par contraste avec l'empire intérieur, l'empire soviétique. Donc les années 80 étaient pour nous les années de l'autre Europe qui se réveillait et en prolongement, bien entendu, les trois États baltes que, je le rappelle, c'est important, quasiment aucun État occidental n'avait reconnu la soviétisation des républiques baltes. Donc, de notre point de vue, ces trois États ne faisaient pas partie de l'URSS. Donc, le mouvement des nations, de libération des nations, est venu très tôt. Et c'est là que Gorbatchev n'avait pas anticipé, c'est qu'en offrant des réformes, une forme de libération politique aux soviétiques, eh bien, il offrait sur un plateau d'argent aux sociétés et aux élites des républiques, la République russe incluse, la possibilité justement de sortir de l'ensemble soviétique pour devenir des États réformés. Et je crois que là, d'ailleurs, quand on lit le livre de Gorbatchev, Perestroïka, de 87, et quand on lit ses mémoires, on voit bien que jusqu'à ce jour, même je crois jusqu'à aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev n'a pas tout à fait compris le problème des nationalités en URSS et à quel point, quand il avait été, par exemple, dans les États baltes, dire « mais écoutez, ne quittez pas l'URSS, je vous propose la perestroïka, on peut réformer tous ensemble », eh bien, ses interlocuteurs baltes répondaient « merci beaucoup, Mikhail Sergeyevitch, mais on préfère sans vous ». Oui, voilà, parce que nous avons ici une histoire complexe avec un individu qui est au centre de toute notre discussion dans le cours de l'histoire. 1991, l'URSS s'effondre. Cet individu, c'est Mikhail Gorbatchev. Juste, dites-nous, Andrei Gretchev, souvent dans l'analyse, nous avons là beaucoup parlé de l'intérieur, et c'est très juste, hein, nous voyons qu'il y a un mouvement intérieur. Il y a cette idée que parfois la pression extérieure, notamment celle des États-Unis, de Reagan, de cette course aux armements, a épuisé l'URSS. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, là, évidemment, si vous voulez, cette histoire me rappelle une sorte de fable, enfin, qui raconte un groupe des aveugles qui a été conduit dans un zoo auprès d'un éléphant. Et donc, on leur a demandé, voilà, qu'est-ce que ça représente pour chacun d'eux. Et donc, chacun qui touchait une partie de cet animal, voilà, sortait sa vision. Une queue, c'est long, c'est mince, la trombe, c'est long, c'est rond, les pattes, c'est énorme. C'est la même chose avec ce Léviathan que représentait cet énorme État. Il y avait, comme vous le soulignez justement, le facteur extérieur, en partie provoqué par la logique intérieure aussi de l'Union soviétique, qui d'ailleurs, dans certains de ses aspects, après s'être présenté comme l'allié, par exemple, des pays du tiers-monde, voilà, a envahi l'Afghanistan d'une façon tout à fait impérialiste. Voilà, ce qui l'a privé de ce prestige d'être l'allié de pays du tiers-monde. Maintenant, avec son adversaire historique principal, les États-Unis. Là, encore une fois, une contradiction. La pression intérieure, quel effet ça produit sur le système en place, et surtout un système administratif autoritaire comme c'était l'Union soviétique. D'ailleurs, c'est un peu, voilà, en parallèle avec ce qui se passe maintenant dans les relations entre l'Occident et la Russie, déjà de Poutine, bon, au niveau beaucoup moins dangereux, bon, tout simplement avec les sanctions, les pressions et autres. Donc là, on a pu observer un effet double, parce que, voyez, un des supports de cet État, conçu et construit par les bolcheviks, Lénine, Staline et les autres, curieusement, c'était l'opposition au monde extérieur. C'était la confrontation. C'était l'érection de cet État et de cette société en image et en forme d'un camp ou d'une forteresse assiégée. Et donc, de ce point de vue, cette pression extérieure, ces menaces qui venaient, par exemple, des États-Unis, cette course aux armements qui était imposée par exemple, le programme de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, autant ça menaçait la ruine de l'économie soviétique, autant sur le plan politique, ça offrait des arguments politiques pour la direction, pour voilà, présenter l'URSS sur la défensive et donc avec les arguments qui nécessiteraient des sacrifices supplémentaires de la part de la société pour y faire face. Marie Mandras. Oui, le paradigme qu'il faut retenir, à mon avis, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le paradigme de la réforme en URSS, impossible sans l'ouverture vers l'extérieur. Donc, ouverture, réforme vont nécessairement ensemble. Et Gorbatchev avait eu la grande intelligence stratégique de le comprendre. C'est-à-dire qu'il ne pourrait jamais réformer son pays sans l'ouverture. Et il était d'ailleurs très populaire dans nos pays et auprès de nos gouvernements qui ont d'ailleurs, et c'était de notre part une erreur stratégique, très mal accueilli Boris Yeltsin à partir de 1992. Et je crois qu'il est important de rappeler ce lien extrêmement étroit dans l'évolution d'une société, d'un régime politique, d'un système économique, de l'ouverture, donc la fin de l'autarcie, et de la réforme et de la construction d'un état de droit. Parce que ce qui se passe depuis près de 20 ans dans la République fédérale de Russie aujourd'hui, la Fédération de Russie, c'est petit à petit, justement, l'application de ce même paradigme, mais à l'envers, c'est-à-dire fin des réformes, fin de l'ouverture, une nouvelle attitude autarcique où l'image de l'ennemi, la confrontation avec tout le monde, la confrontation avec la société russe, avec les électeurs qui ne veulent pas voter pour le parti du pouvoir, et puis aussi une relation avec les pays occidentaux, et surtout avec les anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, et qui sont des relations extrêmement conflictuelles. Donc je pense que pour bien observer les évolutions en Russie aujourd'hui et dans les mois et les années qui viennent, il faut bien comprendre que plus le régime Poutine devient dictatorial et répressif, plus il sera en conflit avec les pays voisins et avec l'Europe. L'importance du passé, de l'histoire, pour comprendre le présent, et c'est vrai qu'avec... Non, c'est pas le passé, là. Mon point de vue est plutôt, d'un point de vue de politiste, que la réforme démocratique, la construction d'un état de droit, on ne le voit jamais, ça n'existe pas, si le pays est lui-même de plus en plus replié sur une petite élite dirigeante, en plus très corrompue, et a des relations conflictuelles avec tous ses voisins. Voilà, c'est vraiment, on pourrait, je pense, prendre d'autres exemples de régimes sur la planète, à d'autres époques historiques. Mais je crois que dans le cas de Poutine, il construit un mythe de cette histoire russe et soviétique, la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, lui, il ne veut que réécrire le passé pour trouver des justificatifs pour se maintenir au pouvoir, quoi qu'il arrive. Tout ça est plus une mythologie et une construction politique. Poutine n'a jamais dit, que je sache, que le système soviétique était un excellent système. Il a beaucoup plus dénoncé l'éclatement de l'État soviétique, donc la perte de puissance, qu'il n'a défendu le système économique soviétique. Andriy Gratchev. Oui, voilà, vous avez évoqué précisément encore un aspect qui devait être rajouté, voilà, à côté de l'évolution intérieure politique et culturelle de cet État, la pression extérieure, mais l'aspect économique, évidemment. Parce que une des explications aussi de l'effondrement de majeur d'ailleurs de l'État soviétique, c'était sa ruine, sa faillite de son modèle économique, modèle qui lui a servi à la fois pour la modernisation accélérée, forcée, violente, au sacrifice énorme investi par la population, mais d'autre part, un modèle économique qui n'était pas compétitif dans les temps modernes, parce que autant on pouvait se servir à la fois de l'enthousiasme des premiers, je dirais, révolutionnaires de lendemain de la révolution, et ensuite du travail forcé des détenus de Goulag, autant on ne pouvait plus s'en servir dans les temps modernes pour même lancer des vaisseaux dans l'espace. Et donc, cette économie étant arrivée dans l'espace, elle exigeait l'ouverture, je vous l'accorde, nécessaire, pas seulement de l'économie, mais aussi du système politique. C'est ce caractère idéologique de l'État soviétique, d'ailleurs, bien rappelé par un autre livre qui vient d'être publié dans ces jours, en France, de Jean-Jérôme Nimot, qui présente bien à quel point le caractère idéologique de l'économie a ruiné l'économie soviétique. Poutine... Et la corruption, qui existait déjà à l'époque soviétique. Oui, l'un ne va pas sans l'autre. Poutine, vous avez raison, il a... encore une fois, Poutine, c'est quelqu'un qui évolue, qui ne cesse d'évoluer. Tantôt il se présente comme héritier avec ses premiers pas de Sobchak, le maire démocrate de Saint-Pétersbourg. Ensuite, il évoque le fait qu'il regrette la disparition de l'Union soviétique, et donc ce qui laisse présumer comme s'il voudrait faire marche arrière dans l'époque soviétique. En plus, il se sert de pas mal des instruments qu'avaient utilisés les dirigeants soviétiques pour le maintien de son système, pratiquement du monopole unique de la classe au pouvoir. Mais tout dernièrement, il commence à dire de ce que toute la parenthèse de l'histoire soviétique était une tragédie pour l'histoire russe, et donc de ce point de vue, déjà, il se présente un héritier plutôt de régime des tsars russes que de secrétaires généraux. Nous parlons d'héritage au moment d'évoquer l'URSS et la Russie d'aujourd'hui. L'on pourrait citer cette organisation, l'ONG Mémorial, qui œuvre justement pour tout ce travail et qui est, mais alors là, réprimée en Russie aujourd'hui. Et tout ce travail, Marie Mindras, qui est fait, notamment autour de la revue Esprit, sur essayons de comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui, mais à l'aune évidemment de l'histoire. Oui, je vous remercie de mentionner l'organisation Mémorial, qui, je crois, vient vraiment démontrer tout ce que André Gratchov et moi-même avons dit ce matin. L'association Mémorial a été créée en 1989 par André Sakharov, qui était donc, enfin, André Sakharov, c'est quand même la grande figure de la dissidence. C'est le prix Nobel de la paix qu'a eu d'ailleurs aussi Mikhail Gorbatchev et le journal Muratov. Novaya Gazeta, oui. Et Muratov cette année. D'ailleurs lancé par Gorbatchev. La Novaya Gazeta. Tout à fait. Gorbatchev, oui, continue de soutenir la Novaya Gazeta, et c'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles la Novaya Gazeta n'a pas été fermée. Donc, Mémorial en 89, malheureusement Sakharov meurt quelques mois plus tard. La mission de Mémorial est double, c'est à la fois d'écrire, de constituer les archives des victimes du goulag, qui se comptent par millions, et également de contribuer au respect des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays qui sont à l'époque encore des républiques soviétiques. C'est très bien accueilli par Gorbatchev et dans l'ensemble le leadership réformiste. Ils vont faire un travail absolument incroyable. Moi, j'y allais tous les ans discuter avec les historiens de Mémorial, et ils ont aussi développé je crois que c'est très important, des bureaux dans les pays du Nord-Caucase et notamment en Tchétchénie. Et pratiquement tous les représentants mémoriaux ont été harcelés et certains assassinés. Donc le fait qu'aujourd'hui, le régime poutinien veuille tout simplement anéantir Mémorial, c'est pas seulement une organisation, c'est tout un processus, c'est tout un principe fondamental, d'abord de dire l'histoire, de dire la vérité sur le régime soviétique, et c'est aussi anéantir l'ONG la plus respectable qui défend la protection des personnes et le droit des citoyens. Et d'ailleurs, on en arrive à cette situation d'aujourd'hui où ce sont les représentations de Mémorial à l'étranger qui vont continuer le travail, comme ce sont les femmes et hommes politiques de l'opposition qui continue le travail en exil dans des pays européens. Mikhail Gorbatchev, 30 ans après l'effondrement de l'URSS, est toujours en vie, il est là, il observe cela. Vous avez des nouvelles, Andrei Gratchev, de Gorbatchev? Oui, j'ai une grande chance de pouvoir m'entretenir avec lui assez régulièrement, par téléphone évidemment. Vu les contraintes de l'épidémie et voilà la fermeture de frontières, mais voilà, je crois que ça doit être il y a une dizaine de jours que la dernière fois j'ai pu m'entretenir avec lui. D'ailleurs, je lui ai annoncé la sortie de mon bouquin qui sera consacré à cette date qui reste évidemment marquant dans sa biographie, dans son parcours politique, mais aussi dans sa vie personnelle. J'en profite pour vous signaler qu'un grand succès que connaît à Moscou actuellement une pièce consacrée à Mikhaïl Eraïssa. Voilà, les billets, semble-t-il, partent en 15 minutes dès que voilà les guichets sont ouverts. Cette émission donne envie d'en savoir plus. Ce sont des pistes qui sont lancées. On a envie d'en savoir plus. Ça tombe bien. Andrei Gratchev, le jour où l'URSS a disparu. Ça, c'est votre ouvrage. Et Marie Mindras, il est possible de vous lire dans la revue Esprit aussi, parce qu'il y a cette analyse aujourd'hui autour du comité qui vient d'être créé pour réfléchir à la Russie d'aujourd'hui. Merci vraiment vivement à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noirial avec le pourquoi du comment. Pourquoi dit-on que Charlemagne a inventé l'école ? Il y a belle lurette que nos enseignants ne racontent plus à leurs élèves que Charlemagne a inventé l'école. Si ce mythe s'est pourtant prolongé jusqu'à nous, c'est par des moyens qui illustrent les chemins tortueux que prend souvent la mémoire. Beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute de cette chanson interprétée par France Gall en 1964, dont les paroles avaient été écrites par son père, Robert Gall. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ironie de l'histoire, le mythe de Charlemagne comme père fondateur de l'école a été diffusé dès le 9e siècle par un moine qui portait le même patronyme. Il s'agit de Notker de Saint-Gall, né vers 840 et mort en 912. Musicien, mais également écrivain et poète, il est considéré comme l'auteur de la Gesta Caroli Magni, un recueil d'anecdotes sur la vie de Charlemagne, dans lequel est abordée la question de l'école. Ce qui est attesté par les sources de l'époque, c'est que Charlemagne a fondé une école dans son palais d'Aix-la-Chapelle afin qu'y soit formé un corps de fonctionnaires rigoureux et l'élite aristocratique sur laquelle il voulait s'appuyer pour diriger son immense empire. Il a aussi tenté de restaurer les écoles presbytériales, monastiques ou épiscopales qui avaient été fondées dans les siècles précédents. Mais il est absurde d'en conclure qu'il aurait inventé l'école, puisque les premières d'entre elles sont apparues au moment même où a été inventée l'écriture, il y a 3500 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Après la mort de Charlemagne, l'histoire de l'école a connu de multiples rebondissements que je ne peux pas détailler dans cette chronique. Le point sur lequel je voudrais insister concerne le rôle que les historiens de la Troisième République ont joué dans la diffusion du mythe carolingien. Quand on parle de la naissance de l'école, on cite souvent un autre grand homme. Il s'agit de Jules Ferry, l'instigateur des lois de 1881-82 sur l'école laïque, gratuite et obligatoire. Ces lois ont fondé le système scolaire tel qu'il existe encore aujourd'hui en France. Mais paradoxalement, ceux qui ont été chargés de sa mise en œuvre ont joué un rôle décisif dans la diffusion de la légende faisant de Charlemagne l'inventeur de l'école. Cela s'explique par la mission civique que la Troisième République a attribuée à l'enseignement de l'histoire. Ernest Lavisse, l'historien qui rédigea les manuels diffusés dans toutes les écoles du pays, a repris à son compte une vision de l'histoire de France fortement inspirée des écrits de Jules Michelet, le père de l'historiographie républicaine. Il s'agit d'un roman national qui met en scène la France comme s'il s'agissait d'une personne. Elle est née à l'époque des Gaulois, mais elle n'a pris conscience d'elle-même que le 14 juillet 1790, le jour de la fête de la Fédération, quand toutes les provinces du royaume ont défilé devant le roi sur le champ de Mars. Cette perspective identitaire imposait de relier le présent républicain et le passé monarchique. Grâce à ce tour de passe-passe, l'Arvène Vercingétorix a pu être présenté comme le premier patriote français. Le baptême de Clovis a pu symboliser l'ancrage chrétien de la nation française et Charlemagne apparaître légitimement comme le grand homme qui avait inventé l'école. Et bien voilà, c'est clair. Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment retrouvé sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Mais qui voici dans le cours de l'histoire? Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Et qu'avez-vous avec vous, je vois, c'est la nouvelle formule des collections de l'Histoire. Absolument. Nous faisons des collections trimestrielles depuis 1998, une reprise d'articles mis à jour et avec des articles neufs aussi. Et c'est aujourd'hui, on a décidé de faire de rajeunir la formule sous forme de MOOC, comme on dit, le book magazine. Ah oui, c'est un livre. Hein. 132 pages, oui, plus de pages, plus d'images, maquette revue, mais toujours le même concept. Quand même. Et quel sujet pour ce numéro, la révolution fasciste? Oui, alors ce matin, évidemment, on a entendu parler d'un autre totalitarisme. La révolution fasciste, oui, c'était peut-être pas très gai, très sautillant hein, pour le premier numéro de la nouvelle formule. Mais enfin, on a pensé que c'était à la fois l'anniversaire de la marche sur Rome, donc bientôt 1922-2022, les 100 ans. Qu'on va forcément commémorer en Italie et ailleurs. Et puis quand même l'occasion de réfléchir sur le fascisme, c'est un mot très galvaudé, on l'emploie à tout bout de champ, pour n'importe quoi, nous explique bien encore Marc Lazare dans ce numéro. Et là, on s'est dit qu'on voulait revenir au fascisme historique. C'est quoi la révolution fasciste? Parce que c'est bien une révolution. Oui, parce qu'il faut vraiment souligner ce souci de vocabulaire, Valérie Hanin. Le mot fascisme, et vous avez raison de le dire, c'est utilisé dans tous les sens, au point que l'on oublie ce que ça signifie, la vraie menace. Alors oui, peut-être une menace. On oublie aussi la force de séduction et le caractère novateur de ce régime. C'est pourquoi on a discuté à la rédaction. Certains n'étaient pas au début très très confiants dans ce mot révolution. Ça aurait été trop positif, la révolution. Mais enfin, il n'y a pas de doute. C'est bien un régime très neuf. C'est un régime qui n'a rien d'une nostalgie. C'est pas un régime réactionnaire. C'est un régime qui s'engage résolument, qui naît de la guerre avec toute la violence de la Première Guerre mondiale, qui fait de la violence d'ailleurs une modalité politique, de l'action politique, et qui se tourne résolument vers l'avenir. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de mettre en couverture non pas le militaire, la chemise noire en képi, sinistre, que ce régime porte aussi, bien sûr, mais une image, enfin un tableau qui est Mussolini en aviateur. Mussolini en aviateur. Il aime se mettre en scène, Mussolini, conduit des voitures rapides. Et l'art est très moderne. Ah oui, vraiment, et puis on le voit. Moderne, on a beaucoup voulu montrer les tableaux, le futurisme. On connaît le futurisme, évidemment, mais le futurisme n'est pas le seul courant artistique qui s'est mis au service du régime. Il y a tout cet art, l'aéromodernisme. Une révolution née de la guerre, le mythe du régime qui fonctionne. Et puis, Valérie Hanin, bien sûr, il y a l'écho de ce moment du fascisme, mais qui est en fait un moment qui existe toujours, et nous le sentons bien dans notre monde, ce qu'il en reste, les héritiers, les nostalgiques. Et oui, et puis cette image qui a été colportée d'une dictature, somme toute un peu douce. Alors ce qu'on rappelle dans ce numéro et ce que les historiens autour de Marianne Matar-Bonucci, Catherine Brice, Emilio Gentile, mais aussi beaucoup d'autres historiens, historiennes français et étrangers, on a rappelé quand même tout ce qu'était ce régime. Ça n'a rien d'une... Mussolini n'est pas un César de carnaval. C'est un vrai régime totalitaire. Enfin, il y a un débat autour du mot, mais enfin, le mot a été inventé dans l'entourage de Mussolini. Ça n'est pas une simple dictature. C'est un régime qui veut homogénéiser la société, créer un homme nouveau et contrôler, et évidemment, toute cette question énorme qui rejaillit dans la mémoire aujourd'hui en Italie, du consensus. Parce que quand même, pourquoi ce régime a tenu ? Pas seulement par la contrainte, même si elle était forte, on le rappelle, s'il y a un racisme, s'il y a une colonisation qui est dure, on l'a oublié en Éthiopie, c'est un vrai laboratoire du racisme, et ça n'est pas imposé du tout par le nazisme. Mais en même temps, il y a une séduction du régime, et c'est aussi de ça peut-être qu'il faut se méfier aujourd'hui. Un numéro des collections de l'histoire éclairant la révolution fasciste. Merci, merci vivement Valérie Hanin. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Dudas, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.